إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, nous poursuivons cette série de cours sur l'explication en langue française du livre intitulé Al-Qawa'id al-Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi al-Husna lil-Allama al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On était rentré dans le chapitre qui vient mettre en évidence ce qui est en relation avec l'épreuve des noms et des attributs. Qawa'idun fil adillati al-asma'i was-sifat. C'est-à-dire que le cheikh doit nous donner des règles par rapport aux preuves même des noms et des attributs. Comment on va gérer ces preuves, comment on va comprendre ces preuves, comment on va appliquer ces preuves, comment on va percevoir ces preuves, etc. Donc c'est des règles ici qui vont rassembler bien entendu les noms et les attributs ici, ils ne sont pas séparés, car ils reviennent aux preuves. Donc les preuves ici mushtarak, c'est-à-dire qu'elles sont communes pour ce qui concerne les noms, pour ce qui concerne donc les attributs. Et on avait vu la dernière fois, à la fin du cours, la première règle qui était Al-Qa'idatul Oula, qui était la suivante, donc on va finir aujourd'hui d'expliquer, et ensuite de passer à la deuxième règle, bi'idhnillah, et également la troisième. Fayaqul al-Shir rahimallah, al-adillatul lati tuthbatu biha asma'ullah ta'ala wa sifatu, hiya kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. Donc on avait vu que cette règle qui revenait à deux règles qu'on a vu, la première qui se trouvait dans les noms, la deuxième qui se trouvait dans les attributs, mais qui revient en réalité au même sens, et qui est qu'on ne peut attester un nom ou un attribut d'Allah Azzawajal qu'en revenant uniquement et exclusivement à deux sources, qui est le livre d'Allah Azzawajal, qui est la sunna du prophète, ça c'est la sunna bien entendu authentique, ce qui a été authentifié de la parole du prophète salawatullah wa salam alayhi. Et donc à partir de là, on ne peut prendre et on ne peut attester un nom ou un attribut en dehors de cela. Et cette règle là elle va impliquer, comme on avait vu, trois cas. Le premier cas, c'est des noms et des attributs qui vont être attestés dans le Coran et la Sunna. Donc à partir de là, on doit les attester comme ils sont venus. Ensuite, le deuxième cas, ce sont des noms ou des attributs, ou plus précisément des attributs, dont Allah Azzawajal les a niés dans son droit, et que l'on retrouve dans le Coran ou la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de là, pour ce deuxième cas, on doit nous les nier. Tayyib. Et le troisième cas, ici, ce sont des termes qui sont utilisés pour désigner Allah Azzawajal dans ses caractéristiques, mais dont des noms ou des attributs qui ne sont pas parvenus dans le Coran ou dans la Sunna. Que doit-on faire à propos donc de ce troisième cas, celui qu'on avait expliqué? Et on avait pris l'exemple qui nous a été donné par le shir, qui était al-jihad, qui était donc la direction. Donc on avait vu, et on revient également à une des paroles de shir al-islam ibn Taymiyyah par rapport à cela, qui disait yuwaqqaf al-lafz wa yufassar al-ma'na, c'est-à-dire donc natawaqqaf fil-lafz, c'est-à-dire le terme qui était employé ici en l'occurrence al-jihad, on doit s'arrêter, c'est-à-dire donc qu'on ne peut l'attribuer à Allah Azzawajal et qu'on ne peut la renier dans le droit d'Allah Azzawajal. Natawakkaf, si on ne dit pas ça fait partie des attributs d'Allah Azzawajal, et on ne dit pas ça ne fait pas partie des attributs d'Allah Azzawajal. Wa yufassal al-ma'na, par contre, par rapport au sens, alors on demande une explication. Qu'est-ce qu'on a voulu par ce terme-là ? Ce terme-là, dans le sens qui était voulu au moment de son utilisation, s'il est conforme avec les autres attributs et ce que l'on connaît d'Allah Azzawajal, alors on atteste le sens, on atteste le sens uniquement. Et s'il n'est pas conforme à cela, alors on renie le sens, on renie le sens uniquement. Pour ce qui est de l'œuvre, pour ce qui est du terme, donc, on s'arrête à ce terme-là sans l'attester et sans le renier. Et on avait vu que la cause de cela, c'est qu'on ne peut renier quelque chose dont Allah Azzawajal n'a pas renié dans son cas. Et on ne peut attester quelque chose, ce dont Allah Azzawajal n'a pas attesté dans son cas. Bien entendu, lorsqu'on parle de renier, ce sont des termes qui veulent avoir différentes significations. Donc un sens qui peut être acceptable et un sens qui ne peut être acceptable. Bien entendu, il y a des termes qui ne peuvent absolument pas être attribués à Allah Azzawajal, comme des termes qui seraient relatifs à une imperfection totale et pure. Taban. Donc ça, bien entendu, c'est des choses qui sont écartées. On est bien en train de parler sur des termes qui ont plusieurs sens et dont un sens qui peut être acceptable et un sens qui ne peut être acceptable. Un autre exemple que l'on peut donner, c'est le terme al-jism. Le terme al-jism, c'est-à-dire le corps. Pour ce qui est de al-jism, le corps, de même, c'est un terme qui n'a pas été employé par Allah Azzawajal dans son Coran, qui n'a pas été employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah, dans la sunnah authentique. Mais c'est un terme également qui n'a pas été renié, que ce soit dans le Coran et la sunnah. Donc ici, pour ce qui est al-jism, à titre d'exemple al-jism, comme al-jiha, le jism, qui veut dire le corps, que l'on peut traduire par le corps, alors, pour ce qui est du corps, on ne l'attribue pas à Allah Azzawajal, on ne renie pas par rapport à Allah Azzawajal. Mais on demande, qu'est-ce qu'on a voulu par ce terme-là ? Nastafsir anil ma'na. Si on veut par le terme jism, at-tajsim, c'est-à-dire le fait que l'on va faire ressembler Allah Azzawajal à ses créatures en lui attestant un corps comme ses créatures, alors bien entendu c'est quelque chose qui ne peut être acceptable, comme on l'a vu auparavant dans les règles, car les gens de la sunna du consensus nient et s'écartent de manière claire et nette de tout ce qui touche à l'anthropomorphisme, le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Donc, à partir de là, si on a voulu par ce terme jism cela, c'est donc réfuté, que ce soit par on réfute donc le sens qui était voulu. Par contre, si on veut par ce terme-là, al-dhat al-qa'im bi-nafsi, c'est-à-dire donc l'entité d'Allah Azzawajal, l'être d'Allah, l'essence d'Allah Azzawajal, qui subsiste, qui existe de par lui-même, alors si ce sens-là il a été voulu, le sens on l'accepte, car c'est acceptable, il est acceptable dans le droit d'Allah Azzawajal. Par contre, pour ce qui est du premier sens, on le délaisse. Donc on voit ici encore un autre exemple, comme on avait vu lorsqu'on avait expliqué le terme al-jiha. Et il faut savoir que ce terme-là, en réalité, ils ont été utilisés plus tard par les mutakallimoun, par les gens de la science spéculative. Ce sont eux en réalité qui ont introduit ces termes-là. Et les gens de la sunna n'ont introduit eux ces termes-là, les salafs n'ont introduit eux ces termes-là. Mais, bien entendu, pour réfuter et pour mettre en évidence la vérité du faux, les gens de la sunna ont répondu à ces utilisations de termes pour mettre en évidence et donc pour montrer aux gens ce qui est valable dedans et ce qui n'est pas valable, pour pas qu'il n'y ait ensuite d'ambiguïté chez les gens. Donc c'est de cette manière que les gens de la sunna les ont utilisés, ou plutôt ont répondu à ces gens qui eux les ont utilisés. Il faut savoir que ce sont des termes qui n'ont pas été utilisés par les salafs ou les gens de la sunna ibtida'an, c'est-à-dire initialement. Pour ce qui est donc de tous ces termes, on revient donc à cette règle là et qui rentre sous le qaïdat al-oula, qui était donc ici le troisième cas. Bien sûr, le shir, parce qu'il nous donne des règles par rapport donc aux preuves relatives aux noms et aux attributs, il va également nous apporter donc des preuves de ces règles, car les gens de la sunna n'édifient ou ne mettent en place des règles qu'après, bien entendu, les avoir argumentés. C'est-à-dire qu'une règle, elle est argumentée par des preuves tirées du Coran et de la Sunna. On ne vient pas avec des règles de sa tête, aqliyan, de par sa raison. Ce sont bel et bien des règles ici. Et les règles qu'on a vues du shirk sont des règles donc qui sont prises du Coran et de la Sunna et qui sont ensuite exposées pour faciliter aux gens la compréhension des textes, particulièrement ici, pour ce qui est des noms et des attributs. Donc il nous dit le shirk, وَدَلِيلُ هَذِي الْقَاعِدَةِ السَّمْعُ وَالْعَقْرِ. C'est-à-dire donc la preuve de cette règle, elle est non seulement par السمع, qui est bien entendu ce que l'on va entendre, et ce que l'on entend, c'est le Coran et la Sunna, donc les textes religieux. والعقر, le raisonnement. Il nous dit le shir en nous citant plusieurs versets du Coran. فَأَمَّا السَّمْعُ فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et nous dit également وَقَوْلُهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Donc pour ce qui est du premier verset qui était cité, et voici un livre. Bien entendu ici c'est le Coran, le livre d'Allah Azzawajal. Et voici un livre, Mubarak, qui est béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. Et pour ce qui est du deuxième verset, croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Également le shir, parmi les versets qu'il a cités, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Également وَقَوْلُهُ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. وَقَوْلُهُ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. Donc tous ces versets qui vont avoir ici un sens qui est bien entendu précis et une argumentation précise. Parmi les versets donc qu'on a cités également, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-en vous. Également, le verset quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. Et ensuite, le dernier verset que le shir a cité, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleures interprétations et aboutissements. Et ensuite, le dernier des versets, وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Donc juge entre eux, parmi eux, avec ce que Allah Azza wa Jalla a fait descendre, et ne suis pas leur passion, et ne suis pas leur passion. Donc, ces versets, le shir ensuite, il va en prouver l'aspect argumentatif, وَجَلِ اسْتِدْلَالِ. Il nous dit, إِلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورد إليه عند التنازع ورد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. Donc le shir ici, dans tous les versets qu'on a cités, il va nous dire qu'il nous est obligatoire et que tous ces textes-là, en l'occurrence ces versets du Coran, ils prouvent l'obligation d'avoir la foi dans ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Et que chaque texte qui nous prouve que l'on doit avoir foi de manière obligatoire dans ce qui est venu dans le Coran, alors ces textes-là, ou ce texte-là, il prouve également que cela est obligatoire ou que notre foi doit être également obligatoire dans ce qui est venu de la sunna. Donc tout ce qui vient dans le Coran nous prouve que c'est obligatoire dans la sunna également, comme on l'a vu dans les versets. À titre d'exemple, man yuti' ar-rasul faqad ata' Allah, celui qui suit le prophète, il a donc suivi Allah Azza wa Jalla. Wa ma ata'akum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. C'est-à-dire, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc si on croit au livre d'Allah Azza wa Jalla, et ici c'est une obligation, alors cela va impliquer que l'on croit également ce qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, car également لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم comme on l'a vu ورد إليه عند التنازع. Et également donc lorsque les personnes sont en divergence sur un point de religion, alors ils reviennent à qui? Ils reviennent au prophète également sallallahu alayhi wa sallam, donc au livre d'Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu revenir au prophète lorsque c'était de son vivant, c'était de revenir auprès de lui directement, lui demander s'il y avait donc divergence sur un point. Et ensuite lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc de revenir à sa sunna, cette sunna qui a donc été écrite, qui a donc été retenue dans les livres de la sunna, et dont les savants parmi les premiers jusqu'à nos jours qui ont fait un effort énorme pour que cette sunna nous parvienne telle qu'elle a été prise de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est une des plus grandes ni'ma d'Allah Azza wa Jal, cette communauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on ouvre un livre de sunna et que l'on voit qu'il est authentifié, alors on sait que ça a bel et bien été la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça a bel et bien été sa parole sallallahu alayhi wa sallam, ou alors son acte, ou alors son approbation, etc. Donc ça c'est ni'ma sur cette communauté qu'Allah Azza wa Jalla a parachevé sur nous, subhanahu wa ta'ala. Donc la personne, si elle est en divergence, elle revient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle revient aux hadiths qui vont faire eux, qui vont trancher par al-haq. Et ici, particulièrement en ce qui concerne les noms et les attributs, si la personne, si les gens ils sont divisés et ils divergent pour ce qui est de la compréhension des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jalla, alors on revient au Coran, on revient à la sunna, et donc on va les attester ces noms et on va les attester ces attributs que par le Coran et la sunna. Et il nous dit le shir, فَأَيْنَ الْإِيمَانُ بِالْقُرْآنِ لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن. Donc où est la foi au Coran? Qui peut donc prétendre avoir la foi au Coran si une personne s'enorgueillit de suivre la voie du prophète صلى الله عليه وسلم, cette voie dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre dans son Coran, comme on l'a vu dans les versets qui ont précédé. Et il nous dit le shir, وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن. C'est-à-dire, où est également la foi de celui qui va croire réellement au Coran s'il a cette foi? Ou comment est cette foi, et où est cette foi de celui qui, au moment où il a un nizâ, c'est-à-dire qu'il y a divergence, qu'il y a dispute sur un sujet de religion, qui ne s'en remet pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors que Allah Azza wa Jal, comme dans le verset فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Prophète, ou Allah Azza wa Jal ici dans ce verset nous dit, si vous vous disputez en quoi que ce soit, alors envoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, regardez, si vous croyez en Allah et au jour dernier, c'est pour ça qu'il dit le shirk. وَأَيْنَ الْإِيمَانُ بِالْقُرْآنِ, c'est-à-dire elle est où cette foi dans le Coran si on n'en revient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où on diverge dans les questions religieuses, et plus particulièrement ici les noms et les attributs. Et il nous dit le shir, وَأَيْنَ الْإِيمَانُ بِالرَّسُولِ أَلَّذِي أَمَرَ بِهِ الْقُرْآنُ لِمَنْ لَمْ يَقْبَلْ مَا جَاءَ فِي سُنَّتِهِ. C'est-à-dire également, où est la foi au prophète, celui dont le Coran nous a donc ordonné de suivre? Et où est cette foi-là de celui donc qui ne va pas accepter ce qui vient dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va s'en remettre uniquement au Coran, qui va délaisser cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle est où cette foi? En réalité, la foi qu'il a, lui, bir rasoul, s'il n'accepte pas ce qui vient dans sa sunna comme textes qui sont clairs et évidents, et plus particulièrement ici en ce qui concerne le Coran et la sunna, tous ces textes là qui nous a cité le shir, ces versets du Coran, ils nous prouvent bel et bien que rien ne peut être attribué à Allah Azzawajal que si ça a été attesté dans le Coran et dans la sunna, et qu'on ne peut comprendre donc ces textes là qui sont propres aux noms et aux attributs d'Allah Azzawajal que comme ils sont venus dans le Coran et dans la sunna, et comme il va le mettre encore en évidence de manière plus détaillée dans ce qui va venir comme prochaine règle. Donc on voit ici que tous ces textes ils sont clairs, que celui vraiment qui prétend la foi au Coran, qui prétend la foi, avoir la foi à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se remet au texte, et que celui qui diverge avec nous, avec les gens de la sunna du consensus, alors qu'il vienne avec ses preuves, alors qu'ils viennent avec ces preuves du Coran et de la Sunna, et comme bien entendu l'ont compris les salafs, comme ils l'ont appliqué eux les salafs, qu'ils viennent donc avec cela, et ensuite on s'en remet donc à ces textes et on voit avec qui est la vérité al-haq. Et c'est ce qu'on fait depuis toujours, en commençant par les salafs et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières, lorsqu'ils ont mis en évidence les règles du Coran et de la Sunna, et qu'ils ont réfuté toutes les innovations, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la croyance, venant des gens qui ont été infectés de maladies dans leur cœur, yadan billah. Ensuite il nous dit le shir, wa qad qala Allah ta'ala wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana li kulli shay wa min al-ma'lumi anna kathiran min umur al-shari'ati al-'ilmiyyah al-'ilmiyyati wal-'amaliyyah jaa bayanuha bis-sunnah. Donc il nous dit également le shir de ce qui est connu, et avant cela lorsqu'il nous a cité ce verset, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, un exposé explicite de toutes choses. Regardez les termes qui sont employés dans le Coran, tibyana li kulli shay. Donc si Allah Azza wa Jalla dans ce Coran il a mis en évidence toutes choses, il les a exposés de manière explicite, alors qu'en est-il de ce qui est de plus noble dans ce Coran, c'est-à-dire ce qui est en relation directement avec le Seigneur des mondes, que ce soit les noms et les attributs. Et on va voir que si on regarde ce verset et ce que l'on va voir ensuite parmi les paroles de ceux qui sont tombés dans l'innovation, on va s'apercevoir qu'ils sont complètement en contradiction avec leur croyance qu'ils devraient prendre du Coran, et particulièrement dans ce verset, nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, tibyan li kulli shay. Alors qu'en est-il des noms et des attributs? Est-ce que des choses ont été omises? Est-ce que des choses qu'on ne peut donc comprendre ou qu'on ne peut attester et qui sont alors bel et bien présentes dans le Coran, ce Coran qui a mis en évidence et qui expose explicitement toute chose? Et donc il nous a dit le shir que de ce qui est connu, beaucoup de choses, beaucoup de points de cette législation, que ce soit d'un point de vue scientifique, al-ilmiya, c'est-à-dire ce qui est propre à la science, ou al-amaliya, ce qui est propre à l'acte, sont venus, ou leur explication est venue dans la sunna. Est venu dans la sunna, et on le sait. Combien de versets du Coran, ils ont été expliqués par la sunna. Et on sait que l'on revient en deuxième étape lorsqu'on explique le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien de choses qu'on aurait pu savoir par rapport à la science, si ce n'est avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de choses on aurait pu appliquer, à titre d'exemple, la prière, le pèlerinage, si ce n'est en revenant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit fayakunu bayanuha bisunnati min tibyan al-Qur'an, c'est-à-dire donc la mise en évidence qui est faite de par cette sunna, ce qui va nous éclairer sur les différents points de la sharia de par cette sunna, ça revient donc min tibyan al-Qur'an, ça revient donc à l'explication qui nous a été donnée, à l'exposé explicite qui nous a été donné du Qur'an. Ensuite il nous dit, ça c'est donc pour tous les textes qu'il nous a fait, dont il nous a fait part le shir, les versets du Qur'an, pour attester de cette règle que l'on atteste donc les noms et les attributs qu'en revenant au Coran et à la Sunna. et que tout ce qui va en dehors de cela, on le rejette. Ou alors, comme on l'a vu, si c'est des termes donc qui ont plusieurs sens, alors on voit par rapport au sens, mais on ne peut accepter, ou alors on ne peut renier le terme s'il n'est pas venu dans le Coran de manière ou par attestation ou par négation. Ensuite, le shir nous dit « Ouam al-aql », donc le deuxième méthode d'argumentation et qui revient ici à « al-aql », c'est-à-dire donc par le raisonnement, notre raisonnement intellectuel. « Fanaqul inna tafsir al-qawli fima yajibu au yamtani'u au yajuzu fi haqqi Allahi ta'ala min umur al-ghaib, min umur al-ghaib illati la yumkinu idraquwa bil-aql, fawajaba al-ruju'u fihi ila ma ja'a fi al-kitab wa sunnah, fawajaba al-ruju'u fihi » il a maja fil kitabi wa sunna. Donc il nous dit le shir ici, de par donc notre raisonnement, on sait que ce qui est obligatoire dans le droit d'Allah Azzawajal, ce qui est interdit dans le droit d'Allah Azzawajal et ce qui est permis dans le droit d'Allah Azzawajal, ce sont des choses qui font partie de la science de l'invisible, min umur al-ghaib, des choses que l'on ne peut connaître. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal, dans les premiers versets de sourate Al-Baqarah, yu'minuna bil ghaib, alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible, ceux qui croient en l'invisible. Donc tout ce qui est venu à propos d'Allah Azza wa Jal, ça fait partie des choses dont on ne peut avoir science qu'en revenant au livre d'Allah ou à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on ne peut les atteindre de par notre propre raisonnement. C'est strictement impossible de savoir ce qui est obligatoire dans le droit d'Allah, de savoir ce qui est interdit dans le droit d'Allah et ce qui est permis. On ne peut s'imaginer ces choses-là. On ne peut y avoir accès que lorsque on revient au livre d'Allah Azzawajal et à la Sunna. Donc, c'est dans ce sens que, de par notre raisonnement, on va attester de manière claire cette règle qu'il a citée, le shirk, que tout ce qui va être attesté à propos des noms et des attributs, ça sera pris uniquement du Coran et de la Sunna. Ensuite, il va passer, le shirk, rahimallah, à la deuxième règle, et qui est une règle également très très importante, qui va faire suite à ce qu'on a vu et qui va mettre ici en évidence quelle est notre méthode à avoir pour ce qui est donc des textes, que ce soit du Coran ou de la Sunna, des textes de manière générale, des textes religieux, et plus particulièrement les noms et les attributs. يقول الشيخ رحمه الله القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف دون تحريف نسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. Donc le shérif nous dit dans cette deuxième règle, qui est une règle, on a dit, très importante, ce qui est obligatoire, ce qui incombe donc pour ce qui concerne les textes du Coran et de la Sunna de façon générale, de façon générale. إجراؤها على ظاهرها دون تحريف إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. Qu'est-ce que ça veut dire ici le terme ijra'uha? Donc c'est le fait de... Ça a beaucoup de sens, al-ijra. Beaucoup de sens au niveau de la langue arabe. On pourrait dire comme faire passer. Et ici le terme, ce que l'on veut par ce terme, qui concerne donc les textes du Coran et de la Sunna, c'est les accepter, les assimiler, les percevoir, suivant ce qu'elles indiquent en apparence. Donc c'est ces preuves-là, ou alors ces textes-là, ce qu'ils indiquent en apparence. Ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin, sans altérer, sans altération. Que ce soit au niveau de al-lafz, que ce soit au niveau donc du texte même, du terme employé par le Coran et la Sunna, ou que ce soit au niveau de son sens. Que ce soit au niveau de son sens. C'est-à-dire al-ma'na. Bil-lafz ou al-ma'na. Donc ces textes, et il nous dit le shir ensuite, et plus particulièrement et plus spécifiquement ou à plus forte raison, ce qui est en relation, les textes qui sont en relation avec les attributs d'Allah Azzawajal, sachant qu'on ne peut et qu'il n'y a pas de place à la raison dans ces attributs. Donc dans le chapitre des attributs, il n'y a aucune place à la raison humaine ici. On revient uniquement à Sam, au texte. Lorsque j'ai un verset du Coran qui va parler, où Allah Azza wa Jal va nous parler d'un de ses attributs, subhanahu wa ta'ala, qu'il va se décrire à nous, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran. Lorsque je lis lorsque j'ouvre le mushaf, j'ouvre le livre d'Allah Azzawajal et que je lis ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait connaître à nous, il se décrit à nous subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là lorsque je lis ce texte où il se trouve un des attributs d'Allah Azzawajal? Je dois tout simplement l'accepter, l'assimiler. Je dois percevoir donc ce texte-là à la zahiriya, suivant donc son apparence, comme il est venu, sans rien changer, sans rien altérer, que ce soit au niveau du texte, du terme dont Allah Azzawajal emploie dans ce Coran, ou alors le sens qu'il veut dire, sachant que tous ces textes et tous ces termes, ils ont un sens qui sont bien précis. Et c'est ce qu'on va voir ensuite à la troisième règle. Ça, c'est cette règle qui nous est exposée par le shirk, qui est très importante. Et on voit que beaucoup de gens de l'innovation, ils ont contredit cette règle. Ils ont donc tenté d'altérer le sens, ou alors d'altérer l'œuvre, comme on l'avait vu, ou comme on l'a expliqué auparavant. On avait donné, il me semble, des exemples, que ce soit lors des questions ou alors durant le cours. Lorsque, par exemple, Allah Azzawajal parle de ses mains, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, donc il emploie le terme yad, bel yadahu mabsoutatan, il emploie donc le terme qui est connu. Ce terme-là, donc, qui est un des attributs d'Allah Azzawajal, on l'assimile suivant son apparence. Al-Yad, on sait donc le sens de Al-Yad. Ça veut dire la main. Tayyib. Donc, on a le droit ici de l'écarter de son sens premier, de l'écarter de ce qu'il indique en apparence. On a le droit. Dun tahrifin. On n'a pas le droit d'altérer le sens et de dire Allah Azzawajal a voulu par là sa puissance, ou a voulu par là sa clémence, ou autre chose de ce que l'on pourrait dire lorsqu'on altère le sens donc de cet attribut. Donc on accepte ce terme, on accepte ce verset suivant son apparence, comme il est venu, et on a de science pour pouvoir l'altérer. C'est-à-dire, si on altérait, à titre d'exemple, les mains d'Allah Azzawajal par sa force, quelle en est la preuve et quelle science Allah Azzawajal nous a donné pour dire cette chose-là? Alors qu'Allah Azzawajal, lui, dans son Coran, ou alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais n'a exposé que les mains d'Allah Azzawajal, ça voulait dire sa force. Ou qu'Allah Azzawajal lui-même, dans son Coran, dans un autre passage, il nous a dit que ses mains, ça voulait dire en réalité sa force. Nous, on le prend en apparence, ce texte-là, comme il est venu. On n'a pas le droit de l'altérer. Et de quelle science, Riyadan Billah, on parle sur Allah Azzawajal, alors qu'on ne sait même pas si Allah, il a voulu par là donc sa force ou autre chose. Quelle en est la preuve? Maya Hujja. Est-ce qu'on a le droit de parler sur Allah Azzawajal sans preuve? Est-ce qu'on a le droit de savoir ce qui est obligatoire dans le droit d'Allah, ce qui est faux dans le droit d'Allah, ou alors interdit, ou ce qui est permis? Sans science, sans preuve venant du Coran ou la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la règle ici, c'est qu'on l'accepte suivant son apparence. Et bien entendu, en rappelant les règles qu'on a vues auparavant, lorsqu'on a dit accepter, bien entendu, c'est sans anthropomorphisme, c'est-à-dire sans faire ressembler quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal de ce qui est propre à ses créatures. Et ça, c'est une chose qu'on a répétée et que le shir a expliqué longuement durant ses règles. Donc, c'est plus qu'évident. Ici, l'application de cette règle-là, en ce qui concerne les textes de façon générale, et plus précisément donc, les noms et les attributs. Il va nous donner des preuves, le shir, rahimahullah, de cette règle-là. Il va nous dire, « وَدَلِيلُ ذَلِكَ السَّمْعُ وَالْعَقْلُ أما السمع فقوله تعالى نزل بي الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. C'est donc le deuxième verset, le troisième verset, inna ja'alnahu, et l'avant-dernier verset, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan, la'allakum taqilun, et le deuxième, ou le dernier, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan, la'allakum taqilun. Wa hadha yadullu ala wujub fahmihi ala ma yaqtadhihi zahiruhu bil lisan al arabi, illa an yamna'a minhu dalilun shar'i. Ces versets sont clairs et leur aspect argumentatif plus que clair. Lorsqu'on sait qu'Allah Azzawajal, comme dans le premier verset, sur ton cœur, ou dans le sens de la traduction, ou la traduction du sens, et l'esprit fidèle est descendu avec cela, Jibril, alayhi salam, sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Donc, il est descendu comme Allah Azzawajal l'a transmis à l'esprit fidèle, à Ruhul Amin, qui est Jibril alayhi salam. Ala qalbik. Bilisanin arabiyin mubin. Bilisanin arabiyin mubin. En langue arabe très claire. Regardez comment Allah Azzawajal, il a décrit cette langue arabe. Bilisanin arabiyin mubin. Mubin. Regardez ici, sifa. Regardez ici, l'attribut de cette langue, une langue arabe très claire. Allah Azzawajal, il a choisi de descendre son Coran dans cette langue-là, de parler dans cette langue-là, subhanahu wa ta'ala, à travers son Coran, car c'est une langue qui est très claire. Et les autres, regardez les autres versets de même, nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Coranan arabiyan, donc en langue arabe. Nous avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Donc regardez, il a été choisi, ce Coran, dans la langue arabe, afin que vous raisonniez. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, qu'on les fait descendre et qu'on l'a donc placé. Nous avons fait un Coran, un Coran qui est arabe, donc dans une langue qui est claire. C'est une langue qui est claire. Qu'est-ce qu'il nous dit cela, le shirk? Qu'est-ce que cela implique, ces versets? Qu'est-ce qu'ils impliquent par rapport ici à ce qu'il veut pour argumenter sa règle? Il nous dit وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ فَهْمِهِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ بِلِسَانِ الْعَرَبِي. Si cette langue-là, cette langue arabe, elle est plus que claire, alors il nous est obligatoire de comprendre des textes du Coran suivant ce qu'implique cette langue-là en apparence. C'est une langue qui est plus que claire. Donc lorsqu'Allah Azzawajal parle à travers son Coran de par la langue arabe, et que cette langue arabe est plus que claire, alors on doit le comprendre comme il est descendu. C'est-à-dire on doit le comprendre en son apparence. On n'a pas le droit d'altérer, on n'a pas le droit de falsifier. On le comprend comme il est descendu, car on sait que il est descendu en une langue qui est claire, subhanallah. Yani wadih, bayyin, la rumuba fiha. Il n'y a aucune ambiguïté dans cette langue, elle est claire. Donc les termes qui sont employés, lorsqu'Allah Azzawajal les emploie, et encore plus en ce qui concerne ses noms et ses attributs, ils n'ont pas besoin d'être falsifiés ou ils n'ont pas besoin d'être altérés, que ce soit de par leur sens ou alors de par ou alors textuellement. Et regardez, il nous dit le shirk, illa an yamna'a minhu dalilun shar'i, sauf si bien entendu on a une preuve même du Qur'an, an yamna'a minhu dalilun shar'i, sauf si donc on a une preuve législative qui va nous permettre donc de comprendre un texte comme il se doit, c'est-à-dire suivant le sens du Qur'an, s'il est mis en évidence dans un autre verset du Coran, ou alors dans un texte de la Sunna. Sinon, on le laisse bien entendu à la zahiré, on le laisse selon son apparence. Et regardez ce qu'il va dire le shirk. وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى الْيَهُودَ عَلَى تَحْرِيفِهِمْ وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ بِالتَّحْرِيفِهِمْ مِنْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ الْإِيمَانِ. Allah Azza wa Jalla, il a blâmé les juifs. Pourquoi il les a blâmés, les juifs, dans son Coran? Il les a blâmés par rapport à l'altération, par rapport au changement qu'ils ont fait des textes, que ce soit textuellement ou alors dans le sens. Et il a mis en évidence que de par cet acte-là, l'altération, ce sont les gens qui sont les plus loin de la foi. Ayyadan billah. Regardez ce qu'il dit dans ce verset, ou dans ces versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. Donc regardez ces versets du Coran où Allah Azza wa Jalla blâme les juifs. Eh bien, espérez-vous, donc ici les musulmans, que des pareils gens, et ici donc les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Iyadan billah. Regardez donc le terme qui est employé dans le Coran. Yuharrifuna. Donc ici, at-tahrif. On est bien en train de parler d'altération de tahrif. Donc le même terme qui est employé dans le Coran. Yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Donc il le falsifie après qu'ils aient entendu et compris la parole d'Allah Azzawajal. Et ensuite le deuxième verset, il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens. Regardez le terme encore. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Donc ils changent, ils détournent les mots de leur sens. Donc ici at-tahrif encore. C'est encore un tahrif. Et disent: nous avions entendu mais nous avons désobéi. Nous avons entendu, nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Au lieu de dire donc sami'na wa ata'na, eux ils disent sami'na wa asayna. On a entendu, mais on a désobéi. Donc regardez ce qu'ils ont fait les juifs dans leur livre. Ils ont détourné le sens des versets. Ils ont falsifié. Ils ont altéré. Donc ceux, ayadan billah, parmi les gens d'innovation, qui ont fait cet acte-là, ils se sont rapprochés de par cette méthode et de par cet acte, ils se sont rapprochés des juifs. Ils se sont rapprochés des juifs, ayadan billah. Alors comme il nous l'a mis en évidence le shir, ce sont les gens, à travers donc les versets du Coran, ce sont les gens qui sont les plus loin de la foi. Ça c'est pour les textes du Coran. Ou amal aql, donc de par notre raisonnement également, pour argumenter sur cette règle, il nous dit: فَلِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَذِي النُّسُوسِ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ خَاطَبَنَا بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيَ الْمُبِينِ فَوَجَبَ قَبُولُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِلَّا لَاخْتَلَفَتِ الْآرَاءُ وَتَفَرَّقَتِ الْأُمَّةُ. Donc il nous dit le shir ici que celui qui a parlé, le mutakallim, celui qui a parlé ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala. De par ses textes, de par ses versets du Coran, lorsqu'Allah il a parlé, il sait mieux que quiconque ce qu'il a voulu, de par l'emploi de ses textes, de par l'emploi de ses termes, et plus particulièrement ici en ce qui concerne les noms, ses noms et ses attributs, qu'un autre que lui. Allah Azza wa Jalla a'la min ghayri. Il sait mieux donc ce qu'il a voulu, de par les textes du Coran. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous a parlé, comme on l'a mis en évidence auparavant, en revenant au verset du Coran, il nous a parlé, khatabana, il nous a donc parlé avec une langue arabe qui est claire. Alors on doit obligatoirement l'accepter, suivant donc son apparence. Sinon, si on ne fait pas cela, si tout le monde l'accepte suivant ce qu'il lui il pense, suivant son propre raisonnement, alors comme il nous dit le shir, l'akhtalafat al-ara, car tout le monde pense de façon différente. Chaque personne a une pensée qui va être différente de l'autre, un raisonnement qui va être différent de l'autre. Donc qu'est-ce qui serait se passé? C'est que les gens, bien entendu, se seraient divisés de par leur avis. Et cette communauté, donc, elle ne serait jamais unie. Elle ne pourrait être unie. Elle se serait divisée. Ayadan billah. Et c'est ce qu'on voit donc ici. Ce que l'on voit donc dans cette communauté, lorsqu'on s'aperçoit que les gens de l'innovation, lorsqu'ils ont voulu comprendre les textes de par leur raison, qu'ils ont délaissé donc la simplicité de comprendre les textes suivant leur apparence, comme Allah Azza wa Jalla les a fait descendre dans cette langue claire, alors ils se sont divisés. Et c'est pour ça qu'on voit que Mithal al-Mutakallima et les autres gens de l'innovation, ce sont des gens qui jamais ne sont stables sur une seule croyance. Jamais, toujours échange de croyances. On va voir que lorsqu'on ouvre leurs livres et lorsqu'on étudie leurs paroles, on va s'apercevoir qu'à un moment ils vont dire cette parole, qu'à un autre moment ils se contredisent, etc. Qu'à un moment ils changent de madhab, etc. pour ce qui est de la croyance. La yuthbitun ou la yathbutun ala aqidatin wahida abadan. C'est-à-dire jamais donc ils sont stables sur une seule croyance. Toujours donc. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent donc à leur raison. Ils reviennent donc à leur raison. Et ça a été donc le résultat de cette divergence et de cette instabilité en ce qui concerne la croyance. Ensuite, le chien va passer à la troisième règle. Et c'est une règle qui est très très importante. Et à travers cette règle, on va dénoncer un madhhab qui était, par certaines personnes, et par même certains savants, a été imputé aux gens de la sunna du consensus, et qui est madhhab al-tafwid. Chose donc que l'on verra, inshallah, parce qu'on va détailler sur cela, on va bien expliquer à travers cette règle ce que veut dire al-tafwid, ou plus précisément, firqatu al-mufawwidah. On l'expliquera, inshallah, pour ce qui est du prochain cours. Subhanakallahumma bihamdika. Shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.